Escape Concept, justement, on va se plonger dans cette soirée du 28 juin. Vous étiez très nombreux à y assister avec tout de suite le set de Dave. Et c'est bien sûr dans Galaxy Live. Tous les mercredis à partir de 20h, Galaxy Live. Les meilleurs de la scène électronique en live sur Galaxy. Live. Live. live. Galaxy Live. We'll be right back. Galaxy Live. Live. Galaxy, l'assaut rétro à l'instant avec le mix de Dave. C'était samedi dernier, vous étiez bien sûr très nombreux. D'ailleurs, Galaxy Live continue la semaine prochaine.